Jérôme, on va au centre commercial. J'ai besoin d'un pull. Encore? Mais tu en as au moins 20. Oh, tu exagères. Marianne, aujourd'hui, tu t'es changée 3 fois. Oui, mais ce matin, je me suis habillée en blanc et il a plu. Et alors? Alors le blanc, quand il pleut, ce n'est pas bien. C'est trop triste. Donc, tu t'es déshabillée et tu as mis un pull rouge. Oui, mais le rouge, ça ne me va pas. Et maintenant, avec le bleu, tu es très bien. Oui, mais hier, je me suis promenée dans le centre commercial et j'en ai vu un très beau, gris. Mais enfin, tu ne vas pas acheter un pull, encore? Non, mais j'ai envie de l'essayer. J'adore le gris. Tu te souviens quand on s'est rencontrés, le joli pull gris? Oui, je me souviens, tu n'as pas changé. Alors, tu viens avec moi ?